Le sens interdit est complété par un panonceau qui précise que cette route sera interdite à la circulation 400 mètres après le panneau. Je peux donc l'emprunter sur cette distance avec une voiture ou une camionnette. En effet, à partir du panneau, la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Elle ne me concerne donc pas, même si je circule à bord d'une camionnette. Réponse A et C.